alors game, j'ai la volonté de faire un moral d'acier. Donc j'écris avec mes tripes comme la victime d'Omar m'a tué. Les MC veulent me tester au studio pour me toucher, faut pas viser le sound, mais car j'suis juste au-dessus. Me viser pour me briser, pour ma zig et mes textes. Me guider pour mon style ou pour enfiler mes ex. Les experts se perdent dans mes thèmes, me laissent faire et respectent les bombes que je manie là. Les notes taisent même, comparer nos cesses, c'est comme comparer la mèche de Bieber à celle d'Aria. Les MC font des disques en trop, sort en même temps que ce morceau et tu risques gros. Go. J'arrive en ville et vois la fuite de faux. C'est de la merde, ça n'en finit plus comme les suites de Soul. Go, go, si je défile dans ta ville, c'est que le rap go, go, go, go. J'écris un peu mon trip comme la victime dont Mar m'a tué. Go, go, si je défile dans ta ville, c'est que le rap go. J'arrive à test les jeunes qui testent le jeu. Bref, je reste crackless, qu'est-ce que c'est qu'elle est en caisse le feu. Un choc pour les titans quand je vexe les dieux. Une rime est face à moi, Mélisa baisse les yeux. T'entends mon blast comme un ego. Disparaît dans l'ombre, passe le mic et j'opère et perce. J'arrive en ville avec tellement d'ego qu'un à deux l'on parle de moi à la première personne. Loin des dièses de tes potes sous coke, j'frappe le beat comme Tempo, Natsuko. Article en mode puissant, faut que mon album s'arrache comme la peau sur un débuissant. Oh, ça sent la fin, le finishing. Amène la folie dans mes morceaux sur des milliers de thèmes. J'te fais l'effet d'un moonwalk Billie Jean. Et tu décolles comme un basketteur d'NBA Jam. Jam, Jam, Jam, go, go. T'entends mon blast comme un écho. Go, go, go. Amène la folie dans mes morceaux sur des milliers de thèmes. Le minimum, le millésime pour MP3. Donc j'aurai des minisommes, petit niveau beat au MD3.